Il y a des gens qui ne sont pas capables de donner confiance. Il y a toujours un petit quelque chose dans leur tête qui reste quand ils donnent confiance. Ils donnent jamais confiance à 100%. Ça, je parle pas de la confiance aveugle. Je parle de la confiance intelligente. Et automatiquement, ils en souffrent et les gens ne leur donnent pas confiance. La loi du retour, vous savez, ça existe à tous les niveaux de l'expérience humaine, la loi du retour. La loi du retour, c'est pas une convention psychologique entre les hommes. La loi du retour, c'est une loi d'énergie qui fait que un homme, selon son esprit, dans le cas présent, par exemple, qui pourrait donner confiance, automatiquement recevra confiance. Et cette réception de confiance le construira, lui donnera quelque chose, et éventuellement, il finira avec beaucoup de confiance en lui-même parce qu'on lui aura donné beaucoup confiance. Mais pourquoi d'abord? Parce que lui aura donné confiance souvent. Un va avec l'autre. Autrement dit, l'homme a confiance en lui selon ce qu'il peut donner confiance aux autres. Ça va. Ils disent que c'est un échange de un pour un. C'est un échange de un pour un. Je vais vous conter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais inconscient, j'étais à New York, puis j'avais pas beaucoup de sous. Puis un soir, il y a des lois à New York. D'un coup, j'entends un type qui court. Tu sais, à New York, quand les gens courent vers toi dans la noirceur, c'est pas bien. Fait que je m'étais arrêté là-bas. Ce qui est déjà un acte de confiance envers moi-même. Je me suis arrêté pour voir ce qui se passe, pour saisir un peu la situation. Puis là, le gros noir qui s'en vient vers moi, tout est sucé. Puis là, il arrive vers moi avec sa grosse charpente, puis il dit, hey man, il dit, you got a few bucks? Il dit, my mother's in Cincinnati, she's sick. Ma mère est à Cincinnati, elle est malade. Puis d'un coup, il y avait des grosses larmes. J'ai fouillé dans ma poche. J'ai donné 5 piastres. Il dit, oh, you're a groovy man. Parce qu'il parle comme ça, le groovy. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, ça a l'air correct. Il dit, puis là, il s'en va. Tout d'un coup, encore, il revient. Il dit, peut-être qu'il pense que j'ai de l'argent et qu'il va me descendre. Là. Il revient. Puis là, il dit, hey man, ils n'ont pas de faim, ces gars-là. Il dit, I gotta take the bus. Il fallait qu'ils prennent l'autobus. Fait qu'il fallait qu'ils prennent le métro pour aller vers l'autobus. Ça prenait 50 cents. Alors, je fouille dans ma poche, puis il y avait un autre 50 cents, j'ai mis mon 50 cents, puis c'était tout l'argent qui me restait, 5 piastres 50. Ça, je ne l'ai jamais oublié, cette expérience. Je l'ai compris après. Fait que j'ai donné, puis là, il m'a dit, oh, je te le donnerai plus tard, puis un petit peu de l'or, puis moi, il pas plus tard, tu donneras quelqu'un s'il t'en demande, parce que moi, je savais que c'était pour l'avoir plus tard. Bon. Mais quand j'ai été contacté après, j'ai dit, comment ça se fait quand j'étais jeune? Je faisais des mouvements comme ça. Puis il me disait qu'il me faisait faire des mouvements comme ça quand j'étais jeune pour que je puisse reconnaître en moi-même que j'étais bon homme, que j'étais généreux de nature. Fait que ça me donnait confiance. Fait que le mouvement, c'est toujours un mouvement de un pour un. Fait qu'éventuellement, quand tu as confiance, quand tu es capable de donner confiance, tu reçois confiance, éventuellement tu as confiance. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais donné confiance. Ça, c'est la première règle du jeu dans l'affaire de confiance. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais donné confiance. Alors, automatiquement, n'ayant pas confiance en eux-mêmes, c'est très difficile pour eux autres d'en arriver à décrocher le grand bonus de la confiance, qui est la certitude. Avoir confiance en soi-même puis la certitude, ça va ensemble. Confiance en soi-même, c'est quand on est inconscient. La certitude, c'est quand on est conscient. Mais pour passer de la confiance à la certitude, il faut avoir donné confiance. Et si tu n'as pas donné confiance, tu ne peux pas avoir confiance, parce que c'est plus difficile d'en arriver un jour à avoir de la certitude. C'est une équation, ça, puis ça marche vraiment. Là, on fait le mouvement retour. Bon, là, je me mets dans votre place, puis vous me dites, ben oui, Bernard, ben, on peut pas faire confiance à tout le monde. Puis là, moi, je vais dire, tu fais jamais confiance à personne. Tu donnes confiance à quelqu'un, c'est pas pareil. L'erreur des gens, c'est que les gens font confiance au monde. Pourquoi est-ce qu'ils font confiance au monde? Parce qu'ils sont naïfs. Quand t'es intelligent, t'es pas naïf. Moi, je fais pas confiance à personne. Je donne confiance. Mais je fais pas confiance à personne. Parce que faire confiance à quelqu'un, c'est donner à quelqu'un quelque chose de, c'est donner à quelqu'un de soi. Et quand on est intelligent, on ne donne jamais à quelqu'un de soi. On donne à quelqu'un envers lui, mais pas de soi. Parce que donner de soi, ça veut dire donner du sentiment qu'on a, nous, qui va pas nous jouer dans les cheveux. C'est de la naïveté. On s'ajoute, faut jamais faire confiance à quelqu'un. Je fais même pas confiance à ma femme. Je donne confiance à ma femme. C'est une illusion d'optique, faire confiance à quelqu'un. C'est une mauvaise compréhension des lois d'intelligence. C'est de la psychologie subjective. C'est de l'émotivité. C'est de la sentimentalité. C'est de l'ignorance. C'est de la naïveté. On ne fait jamais confiance à quelqu'un. On donne confiance. Ça, c'est bien important. Mais on a été mal éduqués. On a été mal éduqués parce que dans l'éducation, les mauvais mots sont employés pour expliquer les notions. Alors, le parent, il dit aux enfants, il faut que tu apprennes dans la vie à faire confiance au monde. Le petit gars, il arrive à 18 ans, il se fait chier, fait qu'automatiquement, là, il se révolte. Si le père avait dit, tu donnes confiance aux gens, t'attendant que tu peux être mal interprété dans ta confiance, que les gens ne te redonneront pas ce que je t'ai donné. Mais au moins, quand tu donnes confiance à quelqu'un, tu donnes rien de toi-même. Tu leur donnes simplement l'opportunité de bien utiliser ce qu'ils te donnent. Ça, c'est pas pareil. Moi, si j'ai 5000 piastres, puis un gars qui vient à moi, il dit, Bernard, tu me prêterais-tu 5000 piastres? Moi, il prêtait 5000 piastres. Mais je ne ferai pas confiance. Je vais lui donner confiance. Ça veut dire que je te le donne, là, librement, intelligemment. Ça veut dire que moi, si je te le donne, je ne vais pas souffrir. J'en ai assez pour m'organiser. Mais je te le donne parce que ta situation semble le demander. Puis un jour, si tu peux me le redonner, tu ne me le redonnes pas. Mais si un jour, tu ne peux pas me le redonner, je ne t'aurai pas fait confiance. Enfin, j'aurais rien perdu, moi. C'est subtil en maudit ce que je vous dis. On fait confiance à quelqu'un. Tu peux jamais faire confiance. Puis, moi, vous donner un exemple. Écoutez bien ça. Là, je me prends comme modèle. Moi, je suis un initié, fait que je travaille toujours sur l'ego de l'homme. Supposons que je veux voir un jour, puis je dis, Jean-Paul, prête-moi donc 7 piastres, me donner ça la semaine prochaine. Oui, tu es Bernard, voilà. C'est ça. Le 7 piastres, il sort vite de ta poche. Mais moi, j'ai un autre thème en tête. Moi, je veux te tester, par exemple, jusqu'à quel point tu es résistant. Jusqu'à quel point tu es résistant au fait que tu m'as fait confiance, mais que je t'ai pas rendu pareil. Jusqu'à quel point tu vas être subjectif dans mon mouvement, moi. Jusqu'à quel point tu vas être subjectif au lieu d'être objectif. Jusqu'à quel point tu vas comprendre quelque chose de ce que j'ai fait au lieu d'interpréter ce que j'ai pas fait. Alors peut-être que cette pièce, moi, je te donne pas parce que je veux pas te le donner. Tandis que toi, tu penses que je te donne pas parce que je veux te jouer tôt. Ou je suis pas honnête. Comment tu dis? Bon ben, amener ça sur un plan de vie inconscient entre les hommes, c'est exactement le même mécanisme. Vous rencontrez quelqu'un dans la vie, il vous écorche pour 10 piastres. Parce que vous avez fait confiance. Pourquoi? Parce que les autres, en haut, ils veulent que vous deveniez intelligent. C'est la même chose. Tandis que moi, ici, je vais le faire au niveau de ma propre intelligence, ça. Tandis que dans la conscience, dans l'inconscience humaine, dans la société, ils vont se servir d'un gars qui va vous arriver avec une grosse salade, vous allez y faire confiance, puis un jour, ils vont vous amener à un point que vous ne ferez plus confiance au monde. Mais comme vous êtes inconscient, vous ferez plus confiance au monde et automatiquement, vous ne pourrez plus donner confiance. C'est ça, là, qui est le problème. Alors, tu as des gens dans la vie qui ont appris à plus faire confiance à personne, puis le système est rendu même aujourd'hui. C'est pour ça que ça prend des lettres d'avocat, puis ça prend des signatures, parce que personne ne fait confiance à personne. Jusqu'à ce que l'homme soit suffisamment intelligent pour ne plus faire confiance à personne, mais à donner confiance à quelqu'un. Donner confiance, c'est pas la relation esprit. C'est exactement ça. Donner confiance, c'est la relation esprit-esprit. C'est pas une relation de personnalité. C'est une relation esprit-esprit de donner confiance. Tandis que faire confiance, c'est relation personnalité-personnalité. C'est ça l'erreur du monde. C'est une erreur psychologique terrible de faire confiance à quelqu'un. Ils disent qu'on doit. Ça, c'est bien dur pour nous autres d'apprendre ça. Maudit que c'est. Ils disent. Puis ça, ils disent que c'est dur à comprendre parce qu'on pense encore pendant encore des notions. Ils disent que l'homme conscient ne donne jamais de lui-même. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis. Des relations. Puis moi, quand si quelqu'un vient à moi et me dit, Bernard, j'ai besoin de ça, c'est très rare que je le fasse. À moins que ce soit parce que les gens ne savent pas de volonté, puis si je leur donne, ça déduit encore plus de volonté, ainsi de suite. Mais si c'est normal, là, moi, donné. Mais je sais toujours où ça va, ça. Fait que j'ai pas besoin de faire confiance à personne. Le gars qui m'a vendu ma maison, je vous expliquais, c'était un exemple. J'ai pas fait confiance pour son 5 000 $. J'ai donné confiance. Autrement dit, je l'ai lié à moi. Pas pareil. Puis si le 5 000 $ ne revient pas un jour, ça me donne l'opportunité, moi, de couper ma relation avec lui. Elle est temps. Puis regardez-les bien, ce point-là. Quand on fait confiance au monde, on est lié à eux autres, mais on n'a pas le pouvoir de couper à cause de notre astralité, parce qu'on a donné de soi. Tu veux l'avoir? Il y a des gens qui vont attendre pendant des années pour avoir le petit quelque chose qu'ils ont donné ou prêté à quelqu'un. Des années, ça leur gruge, là. Éventuellement, ça devient même de la rancœur. Mais quand tu donnes de la confiance à quelqu'un, cet homme-là, je le comprends, je le considère, ainsi de suite, puis je le connais, puis je sais où ça va, le 5 000 $ que j'y ai donné, que j'ai prêté. Je connais son mouvement, ce 5 000 $-là. Mais c'est parce que je donne confiance que demain, lui, il va me redonner d'autres choses, puis ça va de même. Si j'avais fait confiance, à ce moment-là, peut-être que demain, ça aura fait de même. Mais tout d'un coup, demain, ça n'aura pas fait de même. Moi, j'aurais souffert. C'est pour ça que c'est très mauvais de faire confiance au monde. On donne confiance au monde, mais on ne fait jamais confiance au monde. Et ce qui est le pire dans toute notre société, avec toute notre civilisation, toutes nos grandes valeurs morales, parce qu'on a de très grandes valeurs morales dans notre société, la société judéo-chrétienne. On a de très grandes valeurs, mais on ne comprend pas nos valeurs morales. Parce que nos valeurs morales ont été expliquées par des gens qui n'avaient pas le pouvoir de la parole. Donc, ces gens qui nous ont enseigné et qui n'avaient pas le pouvoir de la parole, nous ont enseigné avec bonne intention, mais ont faussé le témoignage de leur esprit en fonction de notre intelligence, de sorte qu'on ne comprend pas parfaitement ce qu'ils ont voulu dire, imparfaitement. Qu'on a dit ce qu'il veut dire. Puis notre éducation, elle est de même. Quand je dis, moi, vos valeurs morales, que vous avez l'humilité, la charité, puis ici, puis ça, si vous me les donnez, moi, tout vous donner l'antithèse, puis l'antithèse. Pourquoi? Parce que toute formulation, toute notion psychologique d'une action humaine fondée sur un sentiment positif, évolutif, progressif, qui maintient éventuellement notre société ensemble, et éventuellement va à l'encontre de l'individu. Éventuellement. Ça va à l'encontre de l'individu parce que c'est pas réel. C'est psychologique. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, le réel? La bruyère, ça veut dire que de l'intelligence dedans. Ça veut dire que toi, tu es capable, en jugement, de voir et de suivre le contrôle de la notion du bien ou du mal. Les jeunes ne sont pas capables de vivre la notion, de suivre le contour de la notion du bien et du mal. Ils sont soit pris dans le bien ou soit pris dans le mal. Ils sont pas capables de voir avec leur intelligence qu'est-ce que ça veut dire ce qui est bien ou qu'est-ce que ça veut dire ce qui est mal. Alors, automatiquement, ils deviennent prisonniers de la forme. Faire confiance au monde, c'est ça. Moi, je serais le premier à être descendu à la télévision si je disais, on fait, faut jamais faire confiance au monde. Là, il faudrait que je l'explique pendant une heure, puis le gars à la télévision, il voudrait m'interrompre. C'est toi, je parlais avec Glenn, j'entends. C'est subtil, nos notions. Et la notion de confiance en soi, la notion de faire confiance, doit être élevée à un niveau d'intelligence qui nous fait réaliser l'importance d'avoir certitude de soi lorsqu'on a la capacité de donner en confiance. Un homme qui est conscient n'a pas besoin d'avoir confiance en lui-même, il a la certitude de lui-même qui lui permet de donner confiance. Tandis qu'un homme inconscient qui a confiance en lui-même va faire confiance à quelqu'un, ou s'il n'a pas confiance en lui-même, il va faire confiance à quelqu'un. Ou il ne fera pas confiance à quelqu'un, parce que c'est toujours polarisé l'action de l'homme. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas faire confiance à quelqu'un par faiblesse. Ou si tu as confiance en toi, tu vas faire confiance à quelqu'un par option. Mais quand tu es certain, quand tu es dans ton intelligence, tu donnes confiance à quelqu'un et tu ne souffres pas du comeback si la confiance que tu donnes ne rejoint pas éventuellement, ne te permet pas de fermer le cercle. C'est pour ça que dans la micro-société, c'est très important aux gens de ne jamais faire confiance aux gens, mais de donner confiance aux gens. Qu'est-ce que c'est l'affaire du 500$? L'affaire du 500$, il y a deux façons que les gens vont réagir au niveau de l'affaire du 500$. Il y a le 500$ qui va faire en sorte que les gens vont faire confiance à ce que Bernard Montréal dit, puis ce qu'on va faire, blablabla. D'un coup, je vous vois un cul. Vous savez pas. Il n'y en a pas un maudit entre vous autres qui le sait. Ah, tu sais pas. Ah, tu penses que tu le sais. M'a joué un cul dans 2 ans, toi. Dans 2 ans, m'a joué un cul pour me tenir en haleine pendant une semaine. Dans 2 ans, regardez ce que je te dis. 2 ans, m'a te le prendre sur tes mots. Dans 2 ans, m'a tenir en haleine pendant une semaine, m'a détrapé le petit dans le temps. Tu m'as mis sur le pas. Tu vas comprendre quelque chose. Bon. Bonsoir, je tu vas comprendre quelque chose un jour. Tu vas comprendre quelque chose un jour. Puis quand tu vas comprendre quelque chose un jour, tu vas avoir compris quelque chose. De l'intelligence, Pauline, ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'homme de l'intelligence. Et les tests qui sont donnés à l'homme ou les actions qui sont menées dans l'homme ou à travers l'homme par l'intelligence ont toujours un but seulement, de l'amener à une plus grande intelligence. De l'intelligence, c'est inouï. De l'intelligence, c'est de l'énergie. Ce n'est pas une forme. L'intelligence, ça sert de la forme. Mais c'est de l'énergie, l'intelligence. C'est maudit de l'intelligence. Tu sais, quand tu es venu au séminaire, j'ai dit, je veux t'expliquer quelque chose. Je viens de vous expliquer parce que je te disais à vous dans ce temps-là. Je viens de vous expliquer quelque chose. Je disais, supposons que vous vous appelleriez Pauline. Je ne dirai pas le reste, ok? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça de l'intelligence. C'est pas moi, je ne savais pas ton nom. Mais tu comprends? C'est de même, ça va. Aussitôt, là, écoutez bien ça, là, je vous dis ça, puis je ne veux pas vous inquiéter quand je parle de même. Je parle comme ça pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Aussitôt que vous testez de l'intelligence, elle vous teste demain. C'est une loi cosmique. Parce que quand tu testes de l'intelligence, ça veut dire qu'il y a un aspect, il y a une dimension d'elle que tu n'as pas compris encore. Quand je dis, par exemple, ça prend des années, avant qu'on en arrive à dire, ah, ça va bien aujourd'hui, sans dire knock on wood. Là. Ça, c'est un exemple d'envie de chacun qu'on connaît. Là, quand tu dis, quand tu peux dire, ouais, ça va bien aujourd'hui, là, ben, là, c'est parce que tu contrôles les lois des événements. Ça peut pas ne pas aller bien, mais il faut que tu aies un maudit taux vibratoire dans ce temps-là. Parce que si tu n'as pas le taux vibratoire, il y a une tuile qui tombe sur la tête. C'est pour ça que les gens sont obligés de dire knock on wood. L'intelligence, c'est le même. On ne peut jamais défier de l'intelligence. Toi, tu vas me dire quelque chose, là, tu vas défier l'intelligence, là, dans le sens que tu vas essayer de réexpliquer ton comportement vis-à-vis elle dans la dimension de ta propre psychologie. Puis l'intelligence va te reprendre dans 2 ans. À moins que moi, j'en prenne conscience puis que je neutralise cette vibration-là. Il faut que moi, j'en neutralise pour que toi, tu n'aies pas l'attention de ça. C'est le même que ça marche, l'intelligence. Faut que j'en prenne conscience, tu la neutralises. Faut qu'ils me disent, oh, ça va être une joke. Sans ça, le mouvement d'énergie est engendré, puis ça ne va pas. Les lois de la magie noire, puis les lois de la magie dense, c'est la même chose, ma petite fille. Tu sais, quand tu dis à un gars en magie noire, telle chose, puis au bout de 100 ans, ça va se produire, au bout de 100 ans, ça se produit. Mais au niveau de la magie dense, puis les fois, c'est la même affaire. De l'intelligence, c'est une énergie que l'homme doit un jour utiliser parfaitement. Et tant que l'homme n'est pas capable d'utiliser parfaitement, parce qu'il y a encore une autre intelligence inférieure qui essaie de soit de la comprendre l'autre, ou soit de l'interpréter l'autre en fonction de son intelligence à lui, éventuellement l'intelligence revient pour raffiner son intelligence pour qu'elle devienne plus grande. C'est. Moi, je me rappelle, quand j'ai marié ma femme, ma mère était en maudit. Elle avait tellement des mauvaises vibrations contre ma femme que j'ai dit, maman, à la fin du mois, c'est inévitable, tu vas avoir une maudit accident. Elle l'a eu. J'ai donné la date, l'heure, tout. Elle l'a eu. Ça a arrêté, elle n'a jamais ouvert sa boîte contre ma femme après ça. Fini. Puis la mère à ma femme, c'est la même chose. La mère à ma femme, elle pensait que moi, parce qu'à cause de ma personne, ma personnalité, elle pensait que j'étais. Parce que ma femme était bien gentille, puis bien. Ben naïve dans le temps, ainsi, elle pensait que j'étais pour la. Comment est-ce qu'on dit ça? Pour profiter d'elle. Bon, en abuser. Puis, j'ai dit, pas à elle, mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, elle va avoir un accident. J'ai dit, ses mains vont être comme ça. Puis, elle a tombé sa glace devant sa maison, elle a les mains de même depuis ce temps-là, ça a tout changé. Tu peux pas, l'homme ne peut pas. Investir de son ego dans de l'intelligence sans payer pour. C'est une loi cosmique. Là. C'est pour ça que quand je dis demain, quand les hommes seront conscientisés, quand il y aura demain une micro-société très vaste, ainsi de suite, que l'homme travaillera avec l'énergie, ainsi de suite, que les gens qui essaieront de dévier contre les lois de l'intelligence, ces gens-là seront poussés complètement à l'extérieur. Complètement, complètement, complètement, complètement à l'extérieur. C'est on ne connaît pas ça encore sur Terre. On n'a jamais accompli ça sur Terre parce qu'on n'a jamais vécu ça encore de l'intelligence sur Terre. De l'intelligence, c'est irréductible. Quand tu dis que de l'intelligence, les forces de lumière sont des forces qui combattent ce qu'on appelle, nous autres, les forces de l'ignorance ou des ténèbres, c'est là qu'on va. Alors, il n'y a rien à faire. Un homme qui est dans son intelligence, qui est dans cette énergie-là et qui est attaqué par un homme de l'extérieur, automatiquement, lui, il ne fait rien parce que l'homme est un canard. Mais automatiquement, ça revient à l'autre. Ça revient vite. Ça ne revient pas dans 2, 3, 4 incarnations. Ça devient dans une vie. Une vie. Très fort, l'intelligence. C'est une énergie. Puis il y a toutes sortes de niveaux à ça. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Moi, quand je vous dis quelque chose, si je vous dis quelque chose pour vous faire comprendre quelque chose, essayez de le comprendre. Faut que vous puissiez suffisamment me donner confiance pour pouvoir bénéficier de ce que je vous dis demain. Si vous n'êtes pas capable de me donner un petit peu de confiance, comment voulez-vous que cette énergie-là vous revienne demain? Elle vous revient pas. Faut que vous me donniez un petit peu confiance. Pas me faire confiance. Faut jamais me croire. Faut jamais me faire confiance. Mais donner confiance, ça vous enlève rien de me donner confiance. Mais me faire confiance, ça vous enlève tout, parce que vous savez pas que je suis. Peut-être que je suis le plus grand charlatan qui n'existe pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais c'est ce que je veux dire. Là, vous dealez avec moi, mais demain, vous allez dealer avec d'autres mondes, d'autres mondes, d'autres mondes, dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans. Parce que, dans le fond, ce que tu dis là, qui est bien gentil, ainsi de suite, mais dans le fond, c'est le mouvement, c'est la polarité de ta position quand tu es dans le séminaire. T'es parti d'ici pour aller là. Tu comprends? Mais être là ou être là, c'est pas final. Il faut t'en arriver ici. Le séminaire, si t'allais m'accrocher, si tu pouvais m'accrocher, là, c'est le contraire. Il faut que tu en arrives ici, au centre. Puis en arrivant au centre, c'est réellement voir avec ton intelligence ce que moi j'essaie d'expliquer. Mais si tu prends la position positive de ton ego vis-à-vis de ce que je dis, c'est pas mieux parce que tu sais jamais quand ils vont se servir de moi pour te tester ou quand ils vont te tester on your own. Ils peuvent facilement se servir de moi pour te tester. Pour te faire comprendre qu'on ne doit jamais rien prendre à la légère parce qu'on doit tout comprendre. On doit tout comprendre, puis c'est avec le temps qu'on comprend. Quand tu dis que moi, fusionné, j'ai trace même pas, faut qu'ils me donnent des conventions pour que j'ai trace. J'ai des signes entre moi et eux autres. Quand j'ai ce signe-là, là, je suis allé aux courses hier soir. Suis allé à New Bonnet. Relaxer, puis ma femme, puis Gisèle, puis Laurie, ça va être. On a eu du fun. Mais moi, j'étais allé aux courses. Là, tout le monde voulait que vous voulez un cheval. J'ai dit, trouvez votre crise de cheval. Moi, je peux pas gager. Bon. Mais j'ai dit, je peux vous aider dans vos combines. Mais, bien légèrement, bien légèrement. Je peux dire, le cheval numéro 8, il va rentrer en première, deuxième et troisième place. He's gonna show. Fait, prends le 8 qui va show, au moins tu en as un qui est sûr de rentrer, puis fais ta combinaison avec l'autre pour faire un quinella ou un exacta. Vous m'entendez? Si tu manques ton coup, c'est ton problème. Mais moi, je peux pas t'aider plus que ça. Peut-être dans 3 ans, peut-être. Et là, je peux pas. Fait qu'on a eu du fun. Moi, tous mes chevaux ont rentré, puis eux autres, mais j'ai pas fait d'argent. Mais eux autres, ils ont rentré des fois, puis des fois, ils rentrent pas. Mais il y avait tout mon cheval qui était là. Mais c'est le cheval qui n'a pas mort. Tu peux pas faire ce que tu veux avec l'intelligence. Quand ils disent 4 courses, je t'en donne 4, c'est 4 finales. Les comment t'en voudrais 5? Mais ouais, non, font fin. 4 sur 4. C'est vibratoire. Je vais arriver que. Moi, du moment que mes chevaux rentrent, je suis content. Mais là, il va y aller encore. Il va y aller la semaine prochaine. Là, si j'ai commencé une fois, il va y aller la semaine prochaine. Surtout le mari de la Gisèle. Il y a la gamme 2, tu vois. On va rentrer à la maison. Quand est-ce qu'on est tout? Si on arrive à la maison, puis à... Fait que les lois de l'intelligence, ça va bien loin. C'est pour ça que je dis, c'est bien important pour nous autres de comprendre l'affaire. C'est dur pour nous autres de comprendre ça, surtout des gens qui sont sensibles, qui sont bons, et ainsi de suite. Faut pas faire confiance à personne. Faut jamais faire confiance à une personne. Faut donner. Alors, dans la micro-société, quand les gens vivront comme ça, comprendront ça, ce principe-là, ils donneront confiance. Là, l'énergie part. L'énergie part. S'ils font confiance, ils vont nous bloquer. Puis ils disent des fois, il faut donner confiance pour une raison qui n'a rien à faire avec notre confiance, elle a à faire avec d'autres choses. Peut-être que tu donnes confiance à un gars, puis ça amène une affaire, puis ça amène une autre affaire, puis ça amène une autre affaire. Parce que la raison de notre confiance, le but de la confiance qu'on donne, c'est pas toujours le but en fonction duquel on prévoit. Des fois, il y a d'autres raisons, puis il y a d'autres raisons, puis on a d'autres raisons. C'est pour ça que, comme il dit, lui, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. Jamais faire confiance à personne. C'est comme l'affaire de la bonne volonté. Quand je dis à Glenn, la bonne volonté, ça vaut pas la mort. C'est bon de la bonne volonté tant que tes affaires vont assez bien. C'est comme du positive thinking. Tu sais? Positive thinking, tant que t'es pas décousu pis que t'es pas cancéreux pis que t'as pas parti de ta fortune, ça marche du positive thinking. Mais quand t'es au pied du mur, tu n'as plus de positive thinking? La bonne volonté, c'est la même chose. Oh, la bonne volonté. Tu sais, les ambassadeurs de la paix. La bonne volonté. Ouais, tu comment est-ce qu'il y en a de bonne volonté en politique? Il n'y en a pas de bonne volonté en politique. Pourtant, ça fait partie du code, ça fait partie des plus hautes intentions politiques, de la bonne volonté. Mais il n'y en a pas de bonne volonté en politique. S'il y en avait dans la politique de la bonne volonté, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté créative. C'est de la volonté créative qu'on a besoin en politique, pas de la bonne volonté. Tu as fait la confiance avec toi. Il ne faut jamais faire confiance à personne. Il faut donner confiance. Au moins, quand tu donnes confiance, c'est d'esprit à esprit. Tu perds rien. Parce que tu ne peux pas donner confiance à quelqu'un qui parle. Tu peux faire confiance à quelqu'un qui parle. Autrement dit, tu vas apprendre à ne pas faire confiance. Mais si tu donnes confiance à quelqu'un, tu ne peux pas parler. Parce que même si tu joins tout, tu t'aperçois que ça a le servi quelque part. Tu ne vas pas. Parce que tu ne donnes rien de toi-même. Pour faire confiance, tu peux être attaché à ce qu'on donne. Pour donner confiance, tu n'es pas attaché à ce que tu donnes. Tu ne payes pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner confiance à quelqu'un quand tu n'es pas dans ton intelligent. Tu peux faire confiance, mais tu ne donnes pas confiance. La différence entre ce que j'ai dit et ce que tu as dit, c'est que moi, quand j'emploie le terme intelligence, je veux dire que ton esprit est suffisamment éclairé par leur intelligence. Quand ton esprit est éclairé par leur intelligence, tu es dans ton intelligence. Si ton esprit n'est pas éclairé par leur intelligence, ben, tu es dans ton esprit. Moi, c'est une des premières choses que j'ai appris dans mon initiation. La centricité aujourd'hui, puis la parole que j'ai aujourd'hui pour vous communiquer ce qu'eux me disent, elle provient justement du fait que dans mon initiation, j'ai appris à ne jamais leur faire confiance. Je n'ai jamais fait confiance. Jamais. Mais au début, oui. Au début, je leur faisais confiance. Dans jeune, surtout au début, quand je n'étais pas habitué à eux autres, à leur psychologie, à leur manipulation vibratoire, je leur faisais confiance. Est-ce toi, tu dénades, c'est quoi pas l'angle qui va venir? J'ai entendu longtemps, Christ, c'est quoi pas l'angle, hein? Dans l'huile d'une jeune, puisque c'est ça du matin? J'ai dit, viens-tu, mais n'en viens pas? Là, il disait rien. J'ai dit, viens-tu, mais n'en viens pas? Il répondait pas. Là, j'ai commencé à percevoir qu'il jouait tout. Quand ça s'est venu, là, j'ai dit, viens-tu, mais n'en viens pas? Il dit, tu le sais. J'ai dit, viens pas? Il dit, tu le sais. J'ai dit, viens-tu, mais n'en viens pas? Il dit, viens pas. J'ai dit, mangez de la merde. Là, j'ai tout compris. J'ai dit, je vous ferai jamais confiance. Il dit, c'est ça. C'est dur pour leur faire confiance quand tu te parles. Ils sont là, tu sais. Surtout quand tu les as vus avant, tant qu'au bébé. Les écœurants. Mais aujourd'hui, ils sont contents. Parce qu'aujourd'hui, la fusion, ce qui est en haut est en bas. Si je décide quelque chose ici, c'est le même. Si je décide quelque chose ici, c'est parce que c'est le même, il faut que ça marche. Là, à ce moment-là, l'homme est dans son intelligence créative. Pas toujours leur demander permission. Pas toujours être assujetti à eux autres et être dominé par eux autres. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et eux autres. C'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas faire confiance. Tenez confiance. Penses-tu que m'aller aux courses, moi, me faire confiance? Prendre 1000 piastres, mettre ça sur un cheval? Ils ont menti. Mettre 1000 piastres sur un cheval, il faut changer de plan. Prendre jusqu'à une fois que j'ai changé de plan, je peux intéresser à mettre 1000 piastres sur un cheval. Même jamais. Prendre de plan, moi, avec un cheval qui va rentrer 100% sûr. Mais tant que je suis ici, ça, tu pouvais me donner un autre signe. Je ne mettrais pas 1000 pièces de cheval. Ils ont menti. Moi, on a marre. On est. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on fait confiance? On fait confiance parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas. Parfaite intelligence. C'est là qu'on fait confiance. On fait confiance parce qu'on n'a pas parfaite intelligence. Ils disent, si on voyait la vie d'après eux autres, comme eux autres la voient, à travers les autres, dans nos actions, dans nos relations, ils disent qu'on ne fera pas confiance en d'autres. Vite. Comment est-ce qu'il y en a de gens qui, depuis des années, courent des sectes ésotériques, puis des écoles ésotériques, puis des ci, puis des philosophies, puis des ci, puis des... Pour en arriver à quoi? À rencontrer un gars comme moi, puis se sortir de ça? Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance? Parce qu'on avait confiance? Heureusement, j'ai été empêché d'aller là-dedans. J'aurais fait le tour du circuit. Mais c'est dur pour nous autres d'apprendre ça, puis de comprendre ça, puis de réaliser ça, parce qu'il dit qu'on n'est pas encore dans notre intelligence. Je vais donner un exemple. Je vais vous en donner un exemple brutal. OK? Je vais vous en donner un exemple brutal. Supposons que moi, pensez-vous que je suis pas assez, que je suis pas assez, d'abord que je suis pas assez conscient, que je suis pas assez libre, que je suis pas assez intelligent, que je suis pas assez totalement libre au niveau des formes. Pensez-vous que moi, je suis pas capable, si je veux dans le monde un jour, décider, bon, ben, what, m'aller en Europe, là, puis m'aller à Paris, me rencontrer une petite fille, là, puis me faire une fredonne un soir. Si vous, si fallait que ma femme, elle me fasse confiance, c'est fini. Elle ne peut pas me faire confiance, ma femme. Puis moi non plus. C'est pour ça que moi et elle, on est libre. Puis j'ai à ma femme, moi, si un jour tu t'en vas sur la Côte d'Azur, tu rencontres un beau grand gars, puis tu te passes un courant électrique, ben, saute sur 220, mais reviens à la maison après, parce que je vais m'ennuyer. Ouais. C'est un entendement entre moi et elle. Mais si voilà que je fasse confiance, les gens qui se marient, là, qui se font confiance, ça marche les premiers 6 mois, ça, pendant que vous êtes encore au niveau du din-din. Mais après 2 ans, puis 3 ans, puis 5 ans, puis 7 ans, puis 10 ans, je te dis que c'est plus pareil. Surtout dans notre société d'aujourd'hui. Ça tourne de ma main, oui. Mais on se fait confiance. C'est une terrible erreur de la psychologie de l'homme de se faire confiance. Équilibre dans notre esprit, c'est une chose. Se donner confiance, c'est une chose. Mais se faire confiance. On va loin, quand même. Ma femme est consciente. Si elle m'arrive un soir, elle me dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un sur la Côte d'Azur, il était belle femme, puis ça vivrait. Comment je peux rire? Je peux pas me rire, mais en tout cas, supposons que je ferais tous les temps. Ça serait une perte d'énergie. Ça serait un manque d'intelligence. Parce que déjà, tu as eu du fun, tu as eu du plaisir, c'est intéressant. Tu dis oui, parfait. C'est même, c'est ça, être intelligent. La confiance. L'inconscience, c'est la peur de faire quelque chose. Ah oui, de vrai. Moi, j'ai pas peur de parler de ma femme, ma femme n'a pas peur de me parler. Le lien est dans l'esprit. Se donner confiance, c'est dans l'esprit, comme il dit, lui. Pas à ma femme. C'est dans l'esprit. Ça, c'est intéressant. Parce que le fait que c'est, le fait que la relation entre moi et ma femme, c'est dans notre esprit. Ça élimine toute la dimensionnalité humaine de notre expérience. Fait au niveau de notre expérience, c'est dans l'esprit qu'on fonctionne. C'est pas au niveau de nos personnalités. Fait que si nos personnalités veulent s'amuser, ben, tant mieux. Mais l'esprit, lui, demeure intact. Je Puis on n'est pas habitué à fonctionner. On n'est pas habitué encore à vivre en esprit. On vit encore dans nos personnalités. Vivre en esprit, il faudrait un maudit bout de temps avant de vivre en esprit. Pas dans 2 ans, vous allez vivre en esprit. Ça va prendre au moins 7-8 ans avant de vivre en esprit. Il faut que les cellules de vos corps soient changées pour que vous en arriviez à vivre en esprit. Puis quand tu vis en esprit, mais là, t'es bien. Tu t'ennuies pas, tu manques rien, tout est correct en esprit. Vivre en esprit, c'est comme avoir 2 dimensions dans un corps physique. Il y a une dimension qui est proportionnelle, puis l'autre dimension qui est proportionnelle. Oui, je me rappelle, durant l'initiation, ma femme, elle travaillait pour une compagnie d'ingénieurs. Puis il y avait un gars, là, un gars absolument formidable, un grand voyant, que je vais revoir un jour. Anyway. Un bel homme, tu sais, de la beauté comme lui, tu sais, grand, des affaires, tu sais. J'ai dit à ma femme, pourquoi est-ce que tu vas pas? Parce que moi, dans ce temps-là, j'étais rigidement contrôlé dans l'initiation. Je sortais pas. J'étais à la maison, je pouvais rester à la maison 10 ans de temps. Tu sais, je sortais pas. Je grouillais pas. J'étais comme une statue d'un coin. Il faut qu'elle se relaxe un peu. Je disais, pourquoi est-ce que tu vas pas super avec? Va dîner avec. Ça va te relaxer, puis en même temps, vous allez pouvoir parler, vous êtes à la même longueur d'onde, vous êtes tous les deux suffisamment avancés. Puis un jour, assez de s'inviter. Puis un autre jour, assez de s'inviter. Puis t'es rendu qu'elle se laissait inviter 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était un gars qui avait beaucoup d'argent. Il l'amenait au hall, puis wine and dine, puis du fun. Grosse Mercedes-Benz, le gros appartement en ville. Puis au bout de 3 mois, j'ai dit à eux autres en haut, j'ai dit, ça va-tu durer longtemps, ça va là? Le sacrement, je devais pas être fusionné, mais... Puis ils m'ont dit, ça va durer encore 3 semaines, mais c'est bon pour elle, c'est bon. Ça le relaxe, parce que toi, tu peux pas sortir pour le moment, tu peux pas traiter ta femme, tu peux pas sortir ta femme, ma femme, elle aime ça sortir puis s'amuser. Bon, laisse-la s'amuser. Ça a duré 3 semaines, puis après ça, à des finales. Puis là, ils ont commencé à me faire sortir un petit peu. Mais si j'avais pas fait confiance avec un gars de même, j'aurais eu des maudites tensions. Fusionner puis pas fusionner, j'aurais eu des maudites tensions. J'aurais passé mon temps sacré avec eux autres. Il y a des gars, tu sais, il y a des hommes dans le monde, puis il y a des hommes. Laisse-moi dire qu'il y a des hommes. Vous parlez des femmes, qu'il y a des belles femmes. Il y a des belles femmes dans le monde, mais il y a des beaux hommes aussi. Puis lui, ça n'était un coca. Moi, un petit bout de cul comme moi, 5 pieds 7, avec une affaire de même. Beauté d'homme. Un bel homme. Belle personnalité. Au moins, elle a eu du plaisir. T'as relaxé. C'était un grand bonhomme, mon père. Un grand voyant. Il m'a parlé de ma vie dans les années 90, lui, chose. Puis il me connaissait même pas. Grand bonhomme. Mais si tu n'es pas capable de donner confiance à ta femme, tu ne vas pas de la merde. Vice-versa, là, tu fonctionnes au niveau du faire confiance. Tu fais confiance, tu as des tensions. Puis c'est pour l'amener à quoi, elle? À pouvoir avoir confiance en elle-même, pouvoir ne pas souffrir du fait que moi, je la voyais dans les bras d'un autre homme, parce qu'elle arrivait et dit, mais maintenant, elle ne m'aime pas. C'est pour l'amener à être mental, pour l'amener à être dans son esprit. Pour l'amener à réaliser que je l'envoyais je l'envoyais dans une condition possible humaine. Pourquoi? Pour qu'elle apprenne à être dans son esprit, comme moi je suis dans mon esprit, pour qu'elle s'amuse librement au niveau de sa personnalité. Elle l'a compris. Fait que l'ayant compris, elle, ben, ça me permet, moi, aujourd'hui, de sortir avec Gisèle, puis de prendre l'avion, puis aller à New York, puis aller à Paris, si je veux, sans qu'elle ait des tensions, puis sans qu'elle souffre de faire confiance à moi. Tu sais, ça va loin, l'affaire. Ça va loin. C'est la même chose pour le mari de Gisèle. Il faudrait qu'il se mange les ongles rendus à la maison, parce que sa femme est sortie avec Bernard, puis elle s'en va travailler, puis toi avec Bernard, puis Bernard par ici, puis Bernard par là. Fait qu'on a beaucoup de choses à apprendre en vie, c'est d'apprendre à vivre de notre esprit et non de notre intellect. Vivre de notre esprit et non de nos sentiments, pour transmuter nos sentiments en énergie mentale, puis transmuter nos idées en intelligence. C'est ça, l'être cosmique de la 6e race. Fait qu'avec ce matériel-là de base, tu commences à construire une société, tu ne travailles plus de même matin. C'est même, ça marche. Mais, il y a une distance en parler et en arriver à le vivre. Moi, je vous en parle, Puis un jour, vous le vivrez. Ma femme, elle me disait ce matin, elle dit, pourquoi tu ne fais pas une cassette sur l'ennui mental? J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça que cette affaire-là, l'ennui mental? Elle dit, l'ennui mental, elle dit, c'est quand les gens ne vivent pas dans leur esprit, ils vivent un ennui mental. Puis quand tu vis dans ton esprit tout le temps, tu te jamais ça, l'ennui mental. J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, ma femme, une cassette. Ça. Je vais en parler un petit peu ce soir. L'ennui mental, c'est quand l'ego ne vit pas dans la présence de l'intelligence cosmique en lui. C'est ça, l'ennui mental. Et plus l'ego vit dans la présence de l'intelligence, plus l'ego est dans l'intelligence, plus l'ego est en relation avec l'intelligence, soit sur un plan intuitif ou sur un plan télépathique, l'ennui mental, ça n'existe plus. Tu peux plus t'ennuyer. Mais pour que l'homme découvre les secrets de la destruction de l'ennui mental, il faut qu'il en arrive à être capable de se suffire à son intelligence. Puis les gens ne sont pas capables de se suffire à leur intelligence. Parce que leur intelligence n'est pas assez créative.